Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange pour un jeudi consacré, comme chaque semaine, à l'histoire des sciences. La physique a une vilaine manie, la volonté de tout unifier, de comprendre le monde de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, à l'aide d'une seule grande théorie du tout qui s'appliquerait à l'ensemble des phénomènes et des forces à l'œuvre dans l'univers. Le premier pas vers cette grande unification toujours hypothétique se produit au 19e siècle, quand l'intuition de plusieurs chercheurs les conduit à penser que l'électricité et le magnétisme sont les deux visages d'un seul et même phénomène. Un physicien et mathématicien, James Clerk Maxwell, mettra le tout en équation et poussera sa réflexion un cran plus loin en incluant la lumière. Électromagnétisme, l'union fait la force, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour retracer cette histoire passionnante qui est certainement le point de bascule historique vers la physique moderne, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christine Blondel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne des sciences au centre Alexandre Coiré, chargée de recherche CNRS. Bonjour. Évariste Sanchez-Palencia. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite CNRS à l'Institut Jean Leron d'Alembert de l'ex-UPMC Université Pierre et Marie Curie, aujourd'hui Sorbonne Université. Vous êtes également membre de l'Académie des sciences. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture et en vous abonnant à notre compte pour avoir des informations complémentaires, des liens vers un certain nombre d'études ou d'articles sur le fil Twitter @laméthodefc. Ceci étant dit, la grande question qui va sous-tendre et induire tout au long de l'histoire plusieurs biais dans la compréhension de l'électromagnétisme, c'est la question de l'action à distance. Comment comprendre, comment penser de façon assez contre-intuitive que des corps distants puissent s'attirer ou se repousser sans action extérieure? Évariste Sanchez-Palencia, c'est important de concevoir ça pour comprendre l'histoire de l'électromagnétisme. Ah, tout à fait. Les actions à distance ont toujours trouvé une grande réticence pour être comprises, en particulier à partir de Newton. Donc il y a sa fameuse loi de l'attraction universelle qui était une action à distance. Alors c'était quelque chose de très difficile à comprendre puisque les actions entre les corps en général se font par des contacts. Et il y avait une exception qui était la gravitation universelle. Alors c'était très difficilement admissible et Newton avait coupé court avec son fameux hypothèse non fingo, c'est-à-dire je ne fais pas d'hypothèse, un point c'est tout, les choses se passent comme ça, c'est comme ça. Bon, c'était une façon d'évacuer la question. Le problème restait toujours ouvert. On savait qu'effectivement, c'était comme ça que les choses se passaient. Mais pourquoi et comment? Est-ce qu'il y avait un substrat, quelque chose qui transmettait les actions qui n'étaient pas vraiment des actions à distance? Voilà, la question, Christine Blondel, c'est ça, c'est de savoir s'il s'agit de la nature intrinsèque de la matière ou est-ce qu'il y a un vecteur invisible qui échappe à notre observation, qui échappe à notre compréhension? Oui, tout à fait. D'ailleurs, maintenant, pour la gravitation, justement, on sait depuis une période récente qu'il existe des ondes gravitationnelles et donc une propagation de proche en proche, c'est-à-dire l'autre possibilité d'interaction entre des entités, soit action à distance, soit propagation de proche en proche, ou comme disait monsieur tout à l'heure, action de contact. Et la gravitation, maintenant, est tombée dans la propagation de proche en proche. Mais pour l'électricité et le magnétisme, c'est resté très longtemps, justement, des actions supposées à distance. Supposée instantanée, parce que un des paradoxes de l'action à distance, c'est qu'elle est également instantanée. Et ça, c'est de la magie, en quelque sorte, c'est de la magie. alors justement, remontons le fil de l'histoire jusqu'aux premières traces. Quelles sont les premières traces de la perception de l'électricité et du magnétisme que l'on est dans l'Antiquité, par exemple? Alors, dans l'Antiquité, on a juste quelques lignes dans Thalès. C'est bien difficile d'en faire l'origine de l'électricité. Les historiens considèrent en fait que l'électricité, c'est une science jeune, une science récente, et une science d'artefact, c'est-à-dire d'objets fabriqués par l'homme. C'est pas tellement une science de la nature au départ, parce que ces trois lignes dans Thalès, c'est comme des milliers d'observations anecdotiques, on est allé les rechercher ensuite, mais il ne s'est quasiment rien passé en électricité, comme vous l'avez dit, jusqu'à Gilbert. Et Gilbert, en fait, ce qui l'intéressait, c'était pas du tout l'électricité, puisque son livre s'appelle « De l'aimant ». Et pourquoi est-ce que l'aimant était intéressant ? À cause de la boussole. Voilà, c'est ça. Évariste Sanchez Palencia, peut-être faut-il préciser que dans l'Antiquité, les premiers effets que l'on constate, c'est précisément de l'action à distance, c'est-à-dire la faculté qu'ont certaines pierres à attirer les métaux ou certaines matières comme l'ambre à attirer d'autres types de matières plus légères. Absolument. Donc, effectivement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a toujours pensé qu'il y avait une liaison entre l'électricité d'une part et le magnétisme de l'autre. Et on croyait à une époque, jusqu'au XVIIIe siècle probablement, que de même qu'on savait à peu près qu'il existait des charges électriques, il devrait exister aussi des charges magnétiques. Nous savons de nos jours que celles n'existent absolument pas. Les charges magnétiques ou l'analogue des charges magnétiques se présentent toujours par des couples positifs et négatifs. Et en fait, c'est fictif. C'est qu'il y a des spires électriques, des spires par lesquelles parcourt un courant électrique, dont l'effet est tout à fait analogue à celui d'un couple d'une masse magnétique positive et une négative, un dipôle. Donc il y a quand même des différences assez notables entre l'électricité et l'électromagnétisme. Mais il y avait des parentés aussi qui étaient, comme on vient de l'évoquer, les actions à distance. Et ces actions à distance présentaient des caractéristiques très différentes des actions à distance de la mécanique de Newton, parce que la mécanique de Newton, en quelque sorte, elle est symétrique. Donc il y a deux masses et elles s'attirent dans la direction des deux masses. Ça, c'est la loi de l'attraction universelle de Newton. Tout à fait. Mais les actions à distance d'électricité ou du magnétisme se comportent de façon très différente, comme des sortes de vis. Lorsqu'on avance, on tourne dans un certain sens, et on peut tourner soit à droite, soit à gauche. C'était quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué à comprendre, et finalement beaucoup plus intéressant, et qui cachait des choses très profondes. C'est-à-dire que finalement, assez paradoxalement, si on résume un peu à grands traits, Christine Blondel, les premières manifestations de l'électromagnétisme sont des manifestations unitaires en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on pense que c'est les mêmes phénomènes qui font que quand on frotte un bout d'ambre, eh bien ça attire des petites pailles, que quand on a une pierre aimantée, magnétisée, ça attire des bouts de fer. On pense que tout ça est en fait un peu la même chose. En fait, on reste effectivement dans le flou, dans la poésie, on pourrait dire, avec l'Antiquité. Mais avec Gilbert, justement, on entre dans l'ère de l'expérimentation. Et il a fait des expériences pendant une vingtaine d'années sur l'aimant. Et c'est le premier qui est vraiment distingué clairement les phénomènes magnétiques et les phénomènes électriques. C'est lui qui a électrostatique en fait. Oui, électrostatique, qui a d'ailleurs donné le nom électricité à partir du grec électron. C'est pour ça qu'on va toujours chercher les Grecs, mais en fait les Grecs ils n'y sont pas pour grand chose. C'est vraiment Gilbert qui est, comme disait Priestley, le père de l'électricité moderne. C'est à ce moment-là que ça se met en place avec l'expérimentation, j'insiste. C'est pas uniquement trois phrases dans un poème sur une attraction un peu mystérieuse avec l'âme de la pierre. Non, c'est de l'expérimentation. Il fait une pierre artificielle en aimant et regarde comment ça se passe avec une aiguille de boussole à la surface de la pierre en aimant. C'est-à-dire qu'il simule la Terre. Et ça, c'est vraiment de l'expérimentation. Alors justement, vous l'avez dit, effectivement, l'histoire de l'électricité est une histoire assez récente. En fait, on pourrait presque dire que l'histoire de l'électricité naît avec l'électricité induite, avec Volta, donc un tout petit peu plus tard. Mais parlons un peu de ce fameux William Gilbert, qui était médecin à la cour de la reine Elisabeth II, et qui va effectivement scinder pour la première fois en deux les phénomènes magnétiques d'une part et électriques de l'autre. Quelles sont ces expériences qui lui permettent de penser finalement pour la première fois, ce qui est une pensée très moderne, en 1600, la Terre comme un aimant. C'est-à-dire qu'il... on appelait, jusqu'alors, on appelait la boussole le doigt de Dieu, c'est-à-dire elle dessinait le ciel. Et lui, il ramène l'aiguille à la Terre, elle dessine le pôle Nord, elle se dirige dans la direction du pôle Nord. Et il fait de multiples expériences avec... On savait déjà que quand on coupait un aimant en deux, par exemple, on refaisait deux aimants. Ça, c'était une expérience qui était connue, mais c'est à peu près tout ce qu'on savait. Et lui, donc, comme je vous ai dit, il fait une espèce de terre en pierre d'aimant, donc qui est un aimant, avec un pôle Nord et un pôle Sud, et il se rend compte que si on prend une petite aiguille de boussole et qu'on la déplace en différents points à la surface de cette terre, elle s'oriente effectivement vers le pôle Nord de cette boule. Donc c'est vraiment une expérience en laboratoire, une reproduction en laboratoire de la Terre. Et là, il n'est plus question du doigt de Dieu. C'est le pôle Nord, l'aiguille dessine le pôle Nord. Il a fait toute une série d'expériences, sinon, sur l'électricité, qui ne l'intéressait pas vraiment, mais dont il voulait se débarrasser, en quelque sorte, en frottant toute une série de corps. Il a montré que la résine, même la viande, enfin, on expérimentait sur des tas de produits, tous les produits végétaux, animaux, minéraux, pour distinguer ceux qui produisaient de l'électricité, c'est-à-dire qui attiraient les corps légers, et ceux qui n'en produisaient pas. Et donc, il va aboutir, effectivement, ce fameux Gilbert, Évariste Sánchez Palencia, à deux listes bien distinctes, bien séparées. C'est-à-dire, c'est lui qui, d'un seul coup, scinde en deux ce qui relève de l'action magnétique que vient de décrire Christine Blondel et ce qui va relever de la force électrique, puisque c'est lui qui fonde ce mot électricité à partir d'électrons, comme on vient de le dire. Christine Blondel, plutôt. Ce que je voudrais rajouter aussi à propos de Gilbert quand même, c'est pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé au magnétisme? Parce que ça resitue l'histoire des sciences dans un cadre plus général. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure très, très brièvement, c'est la boussole. Et pourquoi la boussole? Parce qu'en 1600, l'Angleterre, c'est juste après les grandes découvertes, et c'est l'époque où les Européens commencent à sillonner les mers, les océans, abandonnent la navigation côtière pour se lancer dans les traversées transatlantiques et autres. Et donc pour ça, l'instrument capital, mais capital, la sécurité des navires, la sécurité des cargaisons d'or qui venaient d'Amérique du Sud, c'était la boussole. Donc s'il s'est intéressé à la boussole, c'est pas pour des raisons scientifiques, c'est pour des raisons... la cour d'Angleterre, il y avait une demande sur l'amélioration de la sécurité des boussoles et comprendre comment marche la boussole, comment on peut fabriquer de bonnes boussoles, parce qu'il s'est aussi intéressé à ça. Il y a toute l'histoire de l'expérimentation et de l'instrumentation qui est inséparable de l'histoire théorique et comment est-ce qu'on peut vraiment fabriquer des boussoles qui tiennent la mer pendant des semaines et des semaines de navigation. Alors ça, c'est d'une part effectivement l'intérêt pour le magnétisme. De l'autre, eh bien, il va y avoir effectivement ces deux branches et les premières expérimentations sur l'électricité, sur les bases de l'électrostatique, et là on trouve un premier nom qui va être important dans cette histoire de l'électromagnétisme au sens large du terme, c'est celui de Coulomb, hein, qui va poser les bases d'une loi universelle qui va être importante pour la suite de l'histoire de l'électromagnétisme. Christine Blondel. Oui, effectivement, Coulomb marque une rupture, parce qu'avant Coulomb, l'électricité c'était d'abord très expérimental, qualitatif. C'était quelque chose qui plaisait beaucoup, hein. Les nobles, aussi bien dans les foires, les cabinets de physique, on faisait des expériences d'électricité, comme on faisait des jeux de cartes, des tours de magie, des fantasmagories. C'était les mêmes personnes qui démontraient les expériences de physique et la fantasmagorie, les illusions d'optique, etc. Avec Coulomb, on rentre dans un autre monde. C'est un ingénieur. Il a fait l'école du génie de Mézières, c'est l'ancêtre de l'école polytechnique, donc mathématiques, mathématiques, mathématiques. Et lui, il va introduire les mathématiques et un deuxième pilier qui est l'instrumentation de précision, qui existait très peu auparavant, en tout cas en France. Et donc, avec cette instrumentation de précision, c'est-à-dire une balance extrêmement délicate, les physiciens qui ont essayé de refaire l'expérience aujourd'hui ont eu bien du mal à refaire l'expérience. Et il a montré expérimentalement que, effectivement, deux charges électriques s'attirent suivant une loi mathématique bien précise, qui est la même que celle de l'attraction universelle, c'est-à-dire la proportion inverse du carré de la distance. Si la distance double, la force est divisée par 4. Si la distance est multipliée par 3, la force est divisée par 9, etc. Voilà. Et on va voir que le fait que la loi de Coulomb et la loi de Newton soient formulées de la même façon, soient dans les mêmes proportions, ça va d'un seul coup figer en quelque sorte Évariste Sánchez Palencia, la physique. Hein, on va se dire, on a trouvé finalement des piliers universels, pourquoi avoir besoin d'aller plus loin? Absolument. Nous sommes plus ou moins au XVIIIe siècle. À ce moment, la reine des sciences, c'est la mécanique. C'est Newton qui a donné les lois du mouvement des planètes, etc. Et la perfection des prédictions. On pouvait prédire les éclipses, on pouvait prédire tous les mouvements des planètes, était tel que le prestige de la mécanique était absolument énorme. Et donc, il y a eu un phénomène épistémologique qui consistait tout simplement en ce que les chercheurs dans presque tous les domaines des sciences physiques essayer de copier la perfection de la mécanique. Et l'un des exemples, c'est ce qui vient d'être évoqué, de l'électrostatique avec Coulomb. Mais je voudrais aussi rebondir sur une chose que vous avez évoquée, extrêmement intéressante, sur l'utilisation de la boussole, naturellement, pour la navigation. Mais cela nous renvoie à l'unité de toutes les sciences. Parce qu'il y a un phénomène concomitant avec celui-là, qui est le grand développement de la cartographie. Et la cartographie, c'est une chose absolument fascinante, parce qu'elle tient à la géométrie. C'est la géométrie sphérique. Et la géométrie sphérique n'est pas la géométrie plane. Et il y a des tas de phénomènes tout à fait spécifiques, et cela a donné lieu à des développements qui plus tard ont donné lieu à tout ce qui est la physique moderne, etc. Donc il y a ça, ce sont des aspects pas tout à fait scientifiques, ce sont plutôt des applications techniques, mais qui ont joué un rôle extraordinaire dans le développement des sciences, parce qu'il y a toujours un va-et-vient entre les applications, les souhaits, ce qu'on veut savoir, etc. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous avançons dans notre histoire de l'électromagnétisme. Alors, il y a plein d'étapes qui sont des étapes essentielles, mais il faut que on avance vers les grandes étapes et les grands piliers qui ont conduit aux équations de Maxwell. Ces étapes, Christine Blondel, c'est que petit à petit, beaucoup de gens commencent à avoir l'intuition, et parfois l'intuition expérimentale, comme Benjamin Franklin, qu'il y a un lien entre l'électricité et le magnétisme. On voit bien que, eh bien, finalement, quand les éclairs tombent, ça modifie les boussoles, que ça modifie le magnétisme d'un certain nombre de pierres. On commence à sentir qu'il y a un paradigme qui est en train de basculer, mais on n'arrive pas encore très bien à mettre le doigt dessus. Oui, effectivement, on a cherché, surtout à la fin du XVIIIe siècle, et en particulier Franklin, mais beaucoup d'autres, à mettre en évidence un lien expérimental entre magnétisme et électricité. Franklin, il a essayé. Il a fait traverser des aiguilles métalliques qui ne sont pas aimantées par des charges, en essayant de les magnétiser. Ça n'a pas jamais marché. Donc lui, il en a conclu qu'il n'y avait pas de relation. Et Coulomb, idem. Il n'y a pas de relation. C'est des phénomènes qui sont régis par les mêmes lois, le magnétisme, l'électricité, l'attraction gravitationnelle. Mais il n'y a pas plus de lien entre magnétisme et électricité que, par exemple, entre magnétisme et attraction universelle. Donc, on en conclut vraiment à la fin du XVIIIe siècle à une indépendance, malgré d'une part le fait qu'effectivement les éclairs, la foudre, peut magnétiser, l'analogie mathématique, et puis... on a parlé jusqu'à présent essentiellement des Français et des Anglais, mais si on parle un peu, on pense un peu aux Allemands, ils sont dans un tout autre contexte culturel, qui est celui de la philosophie de la nature, ce qu'on appelle Naturphilosophie en allemand. Et eux, ils pensent que tous les phénomènes de la nature sont reliés. C'est une position philosophique, hein, mais qui marque très profondément, on ne peut pas dire les physiciens, mais enfin les personnes qui travaillent dans le domaine de la physique ou de la chimie. Et certains physiciens, comme Ritter, par exemple, cherchaient assidûment des relations entre électricité et magnétisme. Et cherchent à unifier tous les phénomènes naturels. Voilà, voilà. À penser que tout peut être décrit par une forme de loi universelle, voilà, qui sera un grand principe. Il y aurait une force fondamentale. Le terme clé, c'est force fondamentale, de laquelle on pourrait dériver tous les phénomènes. Et justement, le premier grand pilier que j'évoquais à l'instant, Hans Christian Ørsted, était précisément adepte, hein, de cette nature-philosophie. C'est un physicien et chimiste danois, et grâce à une expérience devenue célèbre et qui porte aujourd'hui son nom, va mettre bien une première pierre fondatrice dans ce chemin qui va aboutir aux équations de Maxwell. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes précisément allé refaire cette expérience d'Ørsted, mais en plus gros. Oui, Ørsted, comme vous l'avez dit, en 1820, découvre sans le vouloir vraiment, la connexion profonde entre l'électricité et le magnétisme. Il fait passer un courant électrique à travers un fil et voit qu'une aiguille aimantée placée au voisinage se met à bouger de manière perpendiculaire au sens du courant. Pour comprendre cette expérience, je suis allée voir Camille Fadel, qui est directeur de l'unité physique au Palais de la Découverte. Alors nous sommes dans la salle électricité, électromagnétisme du Palais de la Découverte, devant un gros dispositif qu'on appelle un électroaimant, il pèse 10 tonnes. Et on va refaire avec ce dispositif l'expérience que réalise Ørsted en 1820, mais nous allons la refaire en beaucoup plus grand. L'électroaimant est essentiellement constitué de deux bobinages. Chaque bobinage est constitué d'un câble enroulé une centaine de fois. Et le courant qui va parcourir cette bobine sera très intense par rapport à celui que met en jeu Ørsted. En faisant passer un faible courant dans un fil à l'aide d'une pile, Ørsted observe qu'une boussole placée non loin du fil est perturbée et n'indique pas le nord. Nous allons refaire la même chose, mais comme nous avons affaire à un courant beaucoup plus intense et à cet électroaimant, au lieu d'une boussole, nous allons prendre une grosse barre en ferraille qui va jouer le rôle d'une boussole, puisque cette barre en ferraille est elle-même aimantée. À l'époque, justement, les physiciens ne pensaient pas que le magnétisme et le courant électrique étaient issus d'une même force. Voilà. À cette époque, il y avait quelques physiciens qui essayaient d'établir un lien entre l'électricité et le magnétisme. Et ce lien qu'ils essayaient d'établir s'appuyait sur des considérations plutôt philosophiques qui étaient issues de la fin du XVIIIe siècle, où on pensait qu'on devrait pouvoir trouver un peu de tout dans tout. C'est-à-dire qu'on essayait de voir des liens entre la lumière et la chimie, entre justement l'électricité et le magnétisme, mais aussi entre la chaleur et l'électricité. Et Oersted faisait partie de cela. Et il essayait du coup d'établir un lien entre électricité et magnétisme. Oui, c'était une intuition qui considérait qu'il y avait une unité dans les phénomènes naturels qui ont guidé ses découvertes. C'est ça, c'est cette quête d'unité qui a poussé Oersted à expérimenter dans ce sens. Très souvent, on dit qu'il a découvert ce phénomène, le lien entre l'électricité et le magnétisme, par hasard. Mais en fait, ce n'est pas par hasard qu'il a découvert, ça faisait plusieurs années qu'il faisait des recherches dans ce cadre. Et enfin, il fait la découverte en 1820. Là, vous actionnez le courant. Là, je suis en train de mettre l'appareil en route. Je vais choisir le sens du courant, maintenant. Et maintenant, j'établis le courant. Et vous allez voir sur l'aiguille de l'ampèremètre ici que l'intensité est en train de grimper. On va atteindre quelque chose comme 500 ampères sous 150 volts. C'est un courant bien intense. D'autant que dans les bobinages, nous avons non pas un enroulement, mais 200 enroulements. Et ces 200 enroulements vont en quelque sorte multiplier l'intensité du champ magnétique. On peut regarder la barre. Et vous voyez qu'entre-temps, la barre, elle s'est réorientée. Elle est maintenant perpendiculaire à sa position initiale. Et même si j'essaie de remettre la barre comme elle était, vous allez voir qu'elle va revenir. Si on essaye de repositionner comme avant. Barre parallèle au bobinage, eh bien... Si on fait ça, regardez, et on lâche, la barre revient. Elle ne veut pas rester dans la position qu'elle était tout au début. Ce changement de position traduit bien que la barre s'oriente selon ce qu'on découvrira après, les lignes de champ. Voilà, alors au début, évidemment, on ne comprend pas directement que c'est un lien entre électricité et magnétisme, même si c'est ce que Oersted cherchait à faire. Au début, on pense qu'il y a des petits courants d'air et que c'est grâce à ces courants d'air, parce que le fil est chaud, il y a des mouvements de convection qui ont lieu, que la barre se réoriente. Ensuite, on croit que le fil qui est parcouru par le courant, on pense que c'est ce fil qui s'aimante par le passage du courant. Mais non, c'est pas ça, c'est pas que le fil s'aimante, c'est que le courant électrique, il vient accompagné d'un champ magnétique. Mais ça, c'est ce qu'on montrera plus tard, et en particulier grâce aux travaux de Ampère dans les années 1820. Du coup, cette force n'est pas radiale, mais vraiment suit des cercles, et c'est pour ça que la barre s'oriente de manière tangente à ces cercles-là. Voilà, c'est-à-dire que si vous prenez un courant électrique, mettons, vertical, eh bien, on verra que les lignes de champ magnétique seront situées dans des plans perpendiculaires à ce fil, et ces lignes dessineront des cercles centrés sur le courant. Maintenant, ces cercles, c'est ce qu'on appelle des lignes de champ magnétiques. Et si on place une boussole quelque part, eh ben on verra que la boussole va se positionner tangentiellement à ces cercles. Maintenant, ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on démontre au début des années 1820, c'est que si on change le sens du courant, eh bien, le sens du champ magnétique va changer, si bien que notre barre à nous, ou la boussole de Oersted, va se réorienter, mais exactement en sens opposé. On va changer le sens du courant maintenant. Une fois que ça sera à zéro, voilà, elle s'oriente exactement dans l'autre sens, à 180 degrés de la position qu'elle avait adoptée il y a quelques secondes. Alors, en fait, Oersted lui-même, bien qu'il cherchait à établir cette liaison, il ne s'intéresse pas beaucoup à la chose après sa découverte. Et ce sont d'autres personnes qui vont réellement établir ce lien fort entre électricité et magnétisme, en particulier Ampère, un théoricien, et puis Faraday, qui, au début des années 1830, va montrer l'effet inverse. Ici, on a montré comment on peut obtenir un champ magnétique à partir d'un courant électrique. Faraday va montrer comment obtenir un courant électrique à partir d'un champ magnétique. Et c'est comme ça ensuite qu'on développe du coup une nouvelle méthode de la production du courant qui ne passe pas par une pile, mais par un champ magnétique. C'est en fait le principe de la dynamo de vélo pour qu'un courant dit induit prenne naissance dans le circuit. Voilà l'expérience d'Oersted, presque comme si vous y étiez au début du 19e siècle. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante, cette expérience, et pourquoi est-ce qu'on la marque d'une pierre blanche comme étant le début de ce qui va conduire à la pensée de l'unification, Christine Blondel? Elle marque une rupture d'abord par rapport à ce qu'on a dit dans la situation antérieure, c'est-à-dire qu'elle marque une relation indubitable entre électricité et magnétisme. Bon, il faut encore préciser la nature de cette relation, mais il y a une relation. Et ça, c'était en laboratoire, reproduite en laboratoire. Au début, on n'y a pas cru, hein. Les pierres tombées du ciel, une rêverie allemande, ils nous inventent encore des choses philosophiques, pas sérieuses, pas mathématiques. Bon, il a fallu que Arago refasse l'expérience devant l'Académie des sciences pour que l'Académie des sciences accepte la réalité de cette expérience. Le témoignage ne suffisait pas, il fallait refaire l'expérience tellement c'était incroyable. Donc ça, c'est la première rupture. Et la deuxième rupture, c'est la direction de la force. Quand vous prenez le Soleil et la Terre, la force entre le Soleil, qui s'exerce entre le Soleil et la Terre, elle est dirigée sur la ligne qui joint le Soleil et la Terre. Quand vous prenez un courant et un aimant, comme on vous l'a expliqué, la force, elle est compliquée à décrire, je ne vais pas me rentrer dans le détail, mais elle est perpendiculaire à cette direction. Et ça, c'est incompréhensible. Donc c'est un grand mystère. Évariste Sanchez-Palencia, l'importance de cette expérience d'Oersted? Oui, absolument. C'est ce qui vient d'être évoqué. C'est la liaison indiscutable entre les deux phénomènes. Alors, c'est le premier volet de la première moitié de cette relation. La deuxième moitié, c'est Faraday qui montre donc le contraire. Enfin, pas le contraire, le réciproque. C'est-à-dire que le mouvement d'un aimant produit un courant électrique. Lorsque cela a été fait, bon, c'était clair que les deux phénomènes étaient liés, mais ce qui est curieux, c'était qu'il était lié par la dynamique, pas par la statique. Si vous avez des choses qui sont indépendantes du temps, vous pouvez avoir de l'électrostatique, vous pouvez avoir du magnétisme permanent qui sont, pour ainsi dire, séparés. Mais dès qu'il y a des interactions, les interactions sont des types dynamiques faisant intervenir le temps. C'est extrêmement important. Ce qui est intéressant également dans cette histoire de l'électromagnétisme que nous sommes en train de raconter, c'est qu'on s'est souvent demandé, c'est un débat au sein de l'histoire des sciences et en épistémologie, de savoir si les progrès, que les percées scientifiques sont des percées radicales, qui sont déterminent des lignes de fracture, de rupture entre un avant et un après, ou au contraire le fruit d'une accumulation et d'un changement progressif de paradigme. L'électromagnétisme, et c'est peut-être pour ça qu'on le présente souvent comme étant la porte d'entrée vers la physique contemporaine, c'est vraiment un bouleversement de la conception des forces, du temps, de la matière, des interactions. Christine Blondel, on est vraiment dans une pensée très très progressive, et qui est progressive parce qu'il faut du temps pour accepter l'ampleur de ces bouleversements conceptuels. Tout à fait, il faut du temps et il faut aussi une participation de cultures différentes, je dirais. Coulomb, c'était la culture des mathématiques. Hein, Ampère, ça va être aussi la culture des mathématiques. Oersted, c'est une culture tout à fait différente. Donc on voit là qu'en histoire des sciences, on a à la fois des apports des mathématiques, de l'instrumentation, de la philosophie. Parce que Oersted, en 1813, il écrit un livre, Recherche sur l'identité des phénomènes électriques et magnétiques. Donc il était déjà parfaitement convaincu, 7 ans avant, qu'il y avait une relation entre les deux. Il dit, il faut faire l'expérience, elle sera difficile. Et bon, il a réussi en 1820, mais c'est pas du tout le hasard. C'est vraiment le fruit de longues années et de discussions avec Ritter et avec d'autres physiciens allemands dont je vous passe le nom. Donc c'est vraiment, je voudrais insister là-dessus, c'est pas uniquement une histoire de quelques grands noms, c'est aussi une aventure collective. Et dans cette histoire de l'électromagnétisme, on voit à la fois des personnages différents, des pays différents, des cultures différentes, des savoirs différents, des pratiques différentes, qui, in fine, la mayonnaise prend et Oersted fait son expérience. Comme on l'a entendu tout à l'heure, après, elle s'en désintéresse. Et d'autres vont reprendre le flambeau, si on peut dire, et retravailler la question avec des outils différents. Thank you. Le quatuor, à cordes en ré majeur de César Franck, ici interprété par le quatuor Malibran, à 16h32 sur France Culture, dans la méthode scientifique où nous parlons tout au long de cette heure de l'électromagnétisme, de l'histoire de la première grande unification de la physique. Nous en parlons avec Christine Blondel, qui est historienne des sciences au Centre Alexandre Coiré, chargée de recherche CNRS, et Évariste Sanchez Palencia, directeur de recherche émérite CNRS à l'Institut Jean Leron d'Alembert de l'Université Pierre et Marie Curie et membre de l'Académie des sciences. Alors nous avons poursuivre et avancer dans cette histoire de l'électromagnétisme, un très peu de temps après l'expérience d'Oersted dont nous venons de parler, une semaine après, paraît-il, André-Marie Ampère, physicien, chimiste et mathématicien, s'en saisit et propose une explication. Puisqu'un fil est susceptible d'agir sur un aimant, eh bien c'est parce qu'un aimant est au fond lui-même équivalent à une multitude de boucles de courant élémentaires. On commence à toucher de près ce qui va être l'unification de Maxwell, Christine Blondel. Oui, et cette hypothèse extrêmement hardie, Ampère a été le seul à la faire. Oersted avait sa petite idée, lui il disait c'est l'électricité qui entraîne le magnétisme, ça ne le gênait pas puisqu'il était dans sa philosophie de l'unité des phénomènes. Mais les autres, entre guillemets, physiciens sérieux, surtout en France, mathématiciens, entre les voilà, physiciens français et allemands. Des visions différentes, des manières différentes de travailler. Pour eux, il fallait que les entités qui interagissent soient identiques. Une masse interagit avec une masse, une charge électrique interagit avec une charge électrique, un aimant interagit avec un aimant. Donc si un fil, alors parcouru par un courant électrique, c'est déjà s'avancer, puisque la notion de courant électrique, en fait, c'est Ampère qui va l'établir justement à partir de l'expérience d'Oersted. Disons un fil relié au pôle de la pile, puisque à l'époque on avait la pile d'un côté et le fil de l'autre, c'était pas une seule chose, c'était deux choses différentes, la pile et le fil. Donc si on relie le fil au pôle de la pile, on s'aperçoit que l'aimant dévie, la boussole dévie. Si on veut faire interagir uniquement des entités identiques, soit on va dire ce que tout le monde a dit, en dehors d'Ampère, à savoir c'est que le fil se magnétise temporairement. Quand on relie le fil, les deux extrémités du fil aux deux pôles de la pile, il se produit des aimants à l'intérieur du fil et ces aimants interagissent avec l'aimant et font dévier l'aimant. Et Ampère, lui, il a pris une hypothèse extrêmement opposée en disant si on avait connu l'expérience d'Oersted avant toute autre expérience, on se serait dit un courant agit sur un aimant, donc dans un aimant il y a des courants. Donc il prend le contre-pied en disant les entités identiques, c'est pas les pôles d'aimant ou les particules magnétiques comme on disait à l'époque, c'est les courants électriques. Or on savait même pas ce que c'était qu'un courant électrique à l'époque. Oui. Voilà. Donc s'il y a des courants dans les aimants, il faut qu'il y ait des courants dans la Terre, dans le globe terrestre. Puisqu'habituellement, une aiguille de boussole dévie sous l'action du magnétisme terrestre. Donc, les phénomènes d'interaction s'expliquent uniquement, interaction entre aimants, entre courants et aimants, ou il le montrera entre courants, s'expliquent uniquement par des interactions entre courants. Le magnétisme résulte du déplacement de charges électriques. On commence à approcher de près. Qu'est-ce qui va manquer à Ampère pour réussir à formaliser complètement cette théorie, Évariste Sanchez Palencia? Je crois que c'est l'explication des raisons pour lesquelles il y a ces interactions-là, ce qui nous renvoie effectivement aux actions à distance. Donc, on a évoqué déjà à deux reprises le fait que les masses magnétiques n'existaient pas, ce sont des spires avec des courants électriques. Quel était le vrai substrat, la vraie raison de ces interactions et comment cela fonctionnait? Et ces actions à distance posaient des problèmes et c'est là où on arrive finalement à Maxwell. Maxwell se propose le gros problème d'étudier quelque chose qui remplace les actions à distance en tant que telles. Je vous interromps un instant, excusez-moi, oui. Évariste Sanchez Palencia, parce que avant Maxwell, il faut tout de même dire un mot de l'autre composant, du troisième grand composant, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est Faraday. Oui, c'est Faraday qui fait l'expérience inverse d'Oersted et qui va montrer que un champ magnétique peut produire du courant. C'est quand même très important. Absolument. Oui. Je vous laisse dire un mot peut-être sur cette expérience de Faraday. Et Faraday, ce qui va être intéressant, c'est que Faraday qui pourrait boucler la boucle et aller à l'unité, Faraday lui manque un bagage mathématique pour formaliser ce qu'il est capable d'observer. Et c'est très important parce que Faraday, il met en place et il démontre l'induction. Tout à fait. Je vous laisse évoquer peut-être l'importance de cette expérience de Faraday et de la façon dont il apporte sa contribution à cette unification de l'électromagnétisme. Oui, je ne sais pas exactement quel est le sens de votre... Oui, c'est donc l'autre volet de l'interaction entre le magnétisme et l'électricité. Mais il y a une chose qui est importante, c'est quand même la différence importante entre les actions des champs électriques sur les champs magnétiques et les champs magnétiques sur les champs électriques ne sont pas exactement symétriques, sont plutôt antisymétriques. Alors ce phénomène est extrêmement important, on l'évoquera après à propos du courant de déplacement de Maxwell, et c'est ce qui produit finalement les ondes électromagnétiques. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui sont de type anti-adjoint, au lieu d'être auto-adjoint en mathématiques, et cela conduit à ce qu'on appelle des valeurs propres qui sont imaginaires pures, au lieu de réelles, et cela transforme les interactions, au lieu d'être des actions de synergie, ce sont des actions dans lesquelles on tourne. Mm-hmm. Hein? C'est ce que j'ai évoqué, des mouvements de type comme un vis. Alors ça, c'est extrêmement important. Donc, il y avait dans l'air du temps le fait qu'il y avait des phénomènes électriques et magnétiques qu'on ne connaissait pas. Donc, il y avait la porte ouverte pour de nouvelles découvertes. Et ça, c'est extrêmement important, et surtout pour comprendre les événements qui vont suivre. Alors, une fois, il faut avancer, parce qu'il est déjà 16h38, et il faut arriver justement à ce fameux James Clerk Maxwell, qui est un physicien et mathématicien écossais. Est-ce qu'on peut dire, dans un premier temps, Christine Blondel, que la grande qualité de Maxwell, ça va être précisément d'être capable de formaliser mathématiquement tout cela, et donc de mettre sur le papier, de traduire en équation la réalité de la communauté de nature de cette force électromagnétique, de ces deux forces électriques et magnétiques qui en fait n'en font qu'une. Oui, tout à fait. C'est pas seulement une synthèse mathématique, c'est déjà qu'il a regroupé tous les phénomènes. C'est-à-dire l'action, l'expérience d'Hørstedt, un courant agit sur un aimant. L'expérience de Faraday, si un aimant se déplace, ça va créer du courant. Les lois de Coulomb. Donc tous ces phénomènes qui étaient quand même un petit peu distincts, lui, il va déjà les regrouper et les formaliser effectivement à l'aide de quatre équations qui forment un très bel ensemble. Il y a un aspect esthétique dans les équations de Maxwell. Il y a quatre équations. Au départ, il y en avait 20, et puis il a réduit à 9, et ensuite ça a été réduit à 4. Parce qu'en fait, c'est Wieseid, après, qui les a écrites sous la forme vectorielle. Maxwell, il en a écrit, c'est 20, je ne me souviens plus du nombre exact. Voilà, au début, c'était 20, puis 9, il a réduit à 9. Mais mathématiquement, ça revient au même. C'est-à-dire, finalement, in fine, c'est le calcul vectoriel. C'est d'ailleurs le calcul vectoriel qui manquait aussi à Ampère, parce qu'Ampère a cherché. Ampère a fait une loi d'action à distance, mais lui, il était intimement convaincu que l'électromagnétisme s'expliquerait par une propagation de proche en proche. Et Faraday également. Donc en fait, cette conviction de la propagation de proche en proche, elle traverse toute l'histoire de l'électromagnétisme. Mais tant que les gens n'ont pas les outils mathématiques qui permettent de traiter les phénomènes avec ce calcul vectoriel, ils ont fait de l'action à distance. C'était le cas d'Ampère. Et donc Maxwell, oui, effectivement, c'est vraiment une synthèse et qui montre... Ce qui est intéressant aussi dans les équations de Maxwell, c'est qu'elles ont une forme tout à fait différente. Ce sont des équations différentielles. C'est-à-dire qu'on explique ce qui se passe en un point donné et à un instant donné par ce qui s'est passé dans un tout petit instant précédent et dans un tout petit volume autour du point donné. Et c'est comme ça qu'on comprend que c'est mathématique, le calcul différentiel va permettre de calculer la propagation de proche en proche. C'est un modèle mathématique qui est complètement différent de celui de l'action instantanée à distance où on a une force qui s'exprime en fonction de la distance et c'est tout. Là, on regarde localement et à un instant donné, et ça permet de décrire des phénomènes, comme disait monsieur tout à l'heure, qui varient avec le temps. C'est ça aussi la grande nouveauté de Maxwell, c'est que à partir du moment où le temps varie, on va avoir des équations qui permettent de traiter la propagation des phénomènes. L'autre grand apport conceptuel de Maxwell, c'est l'introduction de la notion de champ. On sort des fluides, Evariste Sanchez-Palencia, dont on ne sait jamais très bien quoi faire dans la physique depuis le XVIe siècle. Maxwell, lui, parle de champ électromagnétique, et ça aussi, ça change tout. Voilà, exactement. C'est que Maxwell a fait beaucoup plus qu'unifier ce qu'il y avait avant et qu'écrire des équations. Comment est-il arrivé à ces équations-là? Eh bien, en imaginant que les actions à distance n'existaient pas, que ce qui existait, c'était une structure spéciale de l'espace qu'il appelait l'éther. C'était une sorte de matière, entre guillemets, on ne savait pas trop ce que c'était. Une matière extrêmement délétère, extrêmement subtile, dans laquelle il y avait des tourbillons. Et ces tourbillons étaient partout. Et c'était des tourbillons de particules électriques qui mettaient en mouvement les tourbillons à côté. Si bien que les actions à distance disparaissaient en tant que telles et étaient remplacées par des actions de contact entre des tourbillons un peu comme des engrenages. Donc tout l'espace était construit de sorte d'un substrat d'engrenage microscopique de tourbillons électriques et magnétiques. En allant dans cette direction-là, il fait deux choses. D'une part, il réussit le tour de force de supprimer conceptuellement les actions à distance. Donc, il explique les choses par un contact entre les particules. Mais d'autre part, sur sa lancée, il étudie effectivement comment ces tourbillons peuvent-ils agir les uns sur les autres. Et alors, il fait une découverte absolument fondamentale qui n'était pas prévue, qui est ce qu'on appelle de nos jours le courant de déplacement de Maxwell. C'est-à-dire que dans les équations qu'il avait unifiées, vous avez tout à fait raison, il manquait quand même quelque chose qui venait de la variation très rapide des champs électriques avec le temps. Et c'est ce qu'on appelle de nos jours le courant de déplacement de Maxwell. Et il l'a découvert, il ne l'a pas découvert, il a eu l'intuition que cela existait en essayant de comprendre comment ces tourbillons-là interagissaient les uns sur les autres. Et ce courant de déplacement de Maxwell, bon, c'était une nouveauté, comme je vous ai dit avant, il était dans l'air du temps qu'il devait avoir de nouvelles découvertes, donc les scientifiques étaient assez ouverts à la possibilité de nouvelles découvertes dans le domaine, mais cela ne pouvait être tranché que par des expériences. Or, ces expériences devaient comporter des variations extrêmement rapides du champ électrique qui étaient hors de portée de ce qu'on pouvait faire à l'époque avec les appareillages de l'époque. Et Maxwell en supposant qu'effectivement ce courant de déplacement, ce qu'on appelle le courant de déplacement de Maxwell, existait bien, il a mis donc un terme supplémentaire dans les équations, en plus de l'unification de ce qui venait avant, et il a prédit l'existence des ondes électromagnétiques, ce qui est un phénomène extrêmement important, donc quelque chose qui s'apparentait, par exemple, au mouvement du son, etc. Mais le mouvement du son, nous savons ce que c'est. Ce sont des vibrations de quoi ? De l'air, c'est-à-dire de la matière qui existe là. Mais dans le cas de l'électromagnétisme, c'était des vibrations de quoi ? On ne savait pas trop. C'était de ces choses-là qui étaient moitié intuition, moitié explication. On ne savait pas trop ce que c'est, tous ces tourbillons et ces lignes de force de Maxwell. Et Maxwell est décédé bien avant la mise en évidence, effectivement, par Hertz, des sondes électromagnétiques qui ont montré qu'effectivement, le courant de déplacement existait et que tout ce qui avait été prévu par Maxwell était vrai. Et l'apport de Maxwell avant son décès en 1879, l'année de la naissance d'Einstein, alors là aussi, est-ce une coïncidence? Les scientifiques que vous êtes me diront qu'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des corrélations, ou l'inverse, mais néanmoins, cet apport va encore plus loin, Christine Blondel, puisque sur la base de ces équations, de ces 20 équations ramenées à 9, il va aboutir à une conclusion intéressante, la conclusion que ces fameuses ondes électromagnétiques, dont vient de nous parler Evaristo Sanchez-Palencia, se propagent dans l'espace vide, dans l'éther à l'époque, à une vitesse particulière, celle de 300 000 km secondes. Or, il n'y a précisément pas de coïncidence, 300 000 km secondes étant par ailleurs la vitesse de la lumière. Maxwell va donc un cran plus loin et pose une affirmation qui est essentielle, c'est-à-dire la lumière est une onde électromagnétique. Oui, effectivement, c'est encore une unification qui est posée par les équations de Maxwell et par Maxwell lui-même. C'est le fait que d'identifier la lumière, de proposer d'identifier la lumière à une onde électromagnétique. Parce qu'en fait, la propagation des ondes électromagnétiques, il ne l'a pas vraiment prévu exactement. Mais bon, peu importe, c'est dans le mouvement, ça se déduit relativement rapidement après son travail. Et cette identification de la lumière avec les ondes électromagnétiques, elle s'appuyait aussi sur autre chose. Elle s'appuyait sur le fait que dans les années 1820, en même temps qu'Ampère, un physicien français qui s'appelait Fresnel avait construit une théorie ondulatoire de la lumière. Donc, non pas des petites particules de lumière, mais la propagation d'une vibration dans l'espace. Et le support de cette vibration, c'était précisément l'éther. Donc, l'éther, en fait, existait de manière, comme vous l'avez dit, extrêmement mystérieuse. Il avait des propriétés physiques absolument invraisemblables, parfaitement élastiques, sans masse, etc. Enfin, des propriétés contradictoires, même du point de vue de la physique. Mais on en avait besoin pour qu'il soit le support de ces ondes. Donc, la lumière se propageait dans l'éther et Maxwell rajoute que, on va déduire après Maxwell qu'il y a la possibilité d'ondes électromagnétiques qui se propagent aussi dans l'éther. Donc, identification entre l'optique et l'électromagnétisme. C'est une bascule extrêmement, extrêmement importante. Est-ce que c'est galvaudé, selon vous, Christine Blondel, Évariste Sanchez-Palencia, de dire que cette unification, l'électromagnétisme, l'optique, cette bascule paradigmatique, c'est vraiment le point d'entrée dans la physique moderne, Christine Blondel? Bon, c'est toujours difficile à dire, mais effectivement, c'est un point. Alors, ça s'est pas fait que avec Maxwell, comme bien je sûr. Disais, puisqu'il a fallu plusieurs étapes. Toutes celles d'avant, jusqu'à Hertz en 1888. Vous voyez, Maxwell, c'est 1873 son traité. Il faut quand même une quinzaine d'années pour que les choses maturent. On vérifie la chose expérimentalement et que effectivement, on vérifie que des ondes peuvent se propager, et qu'elles pourront ensuite transporter de l'information. C'est grâce à elles que nous parlons aujourd'hui. Et puis surtout, la portée de cette bascule, c'est que jamais dans l'histoire de la physique, on avait réussi à décrire un ensemble de phénomènes aussi divers avec des lois aussi simples. C'est dans ce sens-là qu'elle construit quelque chose de ce qu'est la physique moderne et de cette recherche de la grande unification de la théorie du tout après laquelle les physiciens travaillent aujourd'hui encore, Évariste Sanchez-Palencia. Oui, cela dépend un peu de ce qu'on appelle la physique moderne. Habituellement, la physique moderne, on considère que c'est les quanta, et puis la relativité et tout ce qui est venu après. Bon, là, nous ne sommes pas encore là, hein. Mais effectivement, cela approche. Alors, il y avait des phénomènes absolument extraordinaires qui étaient qu'est-ce qui s'est passé avec l'électromagnétisme des corps en mouvement. Donc l'électromagnétisme habituel, bah, ce sont des spires, des choses comme ça, et ce sont les courants qui passent. Mais les corps eux-mêmes ne sont pas en mouvement ou ils sont en mouvement relativement lent. Or, justement, les courants de déplacement de Maxwell, qui était donc la pièce angulaire de la propagation des ondes, était quelque chose qui était incompatible, tenez-vous bien, avec la mécanique classique. C'est-à-dire que si on voulait étudier les équations de Maxwell dans des corps en mouvement, cela invalidait la mécanique. C'était quelque chose de vraiment absolument extraordinaire. Et donc, bien avant le grand bouleversement de la relativité, il y a eu ce qu'on appelait la contraction de Lorentz. Lorentz avait découvert que s'il y avait une contraction des corps dans leur mouvement, c'est-à-dire lorsqu'ils se mettent en mouvement assez rapide, hein, donc cela ne concerne pas les mouvements habituels auxquels nous sommes habitués, les corps eux-mêmes devaient se contracter indépendamment des propriétés électriques. Hein. Et alors, il avait obtenu des équations dans lesquelles, en admettant cette propriété tout à fait mystérieuse et inexpliquée des corps solides, avait réussi à unifier la mécanique des corps en mouvement avec l'électromagnétisme. C'était vraiment un tour de force, mais qui passait par quelque chose de mystérieux qui était la contraction dans le sens du mouvement. Un mot pour conclure, puisque nous arrivons au bout de cette émission, sur cette question. Alors évidemment qu'il est impossible de trancher de manière tout à fait formelle sur cette bascule vers la physique moderne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces travaux de Maxwell changent vraiment en profondeur la conception, pas seulement des forces et des interactions entre les différents solides, mais plus généralement, et en tout cas, elle va ouvrir la porte à des modifications conceptuelles d'ampleur, puisqu'on est donc donc en 1872, vous l'avez dit, on est à la fin du 19e siècle. Maxwell meurt en 1879 et Einstein va s'inspirer énormément de ces équations de Maxwell pour établir ses différentes théories, la relativité restreinte puis la relativité générale. Il écrit d'ailleurs à propos des travaux de Maxwell, cette théorie était fascinante, désormais à l'idée classique de force qui fait jouer un rôle muet à l'espace. Le concept de champ consiste en un processus dans lequel les corps en interaction baignent dans l'espace. Cet espace a la propriété d'interagir avec les corps. On entend bien ce qui est à l'œuvre dans cette description, Christine Blondel, et la pensée d'Einstein qui est en train, lui, de tenter d'unifier l'espace et le temps. Oui, bon là je laisserai peut-être plus la parole à monsieur sur cette question, mais ce qui est très important dans les équations de Maxwell avec la suite, c'est que ces équations de Maxwell sont compatibles avec la théorie de la relativité. Donc la théorie de la relativité s'appuie sur les équations de Maxwell. Donc c'est certes au début ça a été une difficulté, mais ça a été un très grand pas aussi dans l'unification, puisque la théorie de la relativité est compatible avec les équations de Maxwell. Donc ça, c'était pour Einstein. Il est parti, lui, des équations de Maxwell. Enfin, c'était vraiment... Il fallait garder ces équations de Maxwell. On ne pouvait pas... Il y a toujours la question, quand il y a un problème, comme l'a dit monsieur, qu'est-ce qu'on remet en cause ? Et lui, il a vraiment conservé cette... Et l'éther, après, c'est la grande question de l'éther, qui a disparu avec les expériences de Michelson et Morley, en allant très très vite. Mais ce qui est resté mystérieux, en revanche, on peut le dire pour les non-spécialistes, dans ces équations de Maxwell, c'est qu'elles supposent toujours la propagation de quelque chose, même dans le vide. Ces ondes se propagent dans le vide, sans support. Et là, on a un nouveau mystère. Certes, on a perdu la magie de l'action à distance instantanée, mais on a un nouveau mystère, et qui n'est pas complètement résolu. Bon, je sais que la physique très contemporaine parle, bon, je ne sais pas exactement quoi, mais ça reste très mystérieux quand même, cette propagation. Dans la matière, on arrive à comprendre. On polarise les particules, etc. Mais dans le vide, la propagation des ondes électromagnétiques reste un certain mystère. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler puisqu'il est 16h54, on arrive au terme de cette émission. Mais comme tous les jeudis, eh bien, avant de conclure, nous retrouvons la Bibliothèque des sciences où toutes les semaines, un historien ou une historienne des sciences nous décrit un ouvrage qui a été important, qui a marqué l'histoire des sciences. Aujourd'hui, c'est Jean-Jacques Chessignars qui nous parle de la lettre de Copernic au pape Paul III. La Bibliothèque des sciences. Le texte suivant est un texte qui est la lettre que Copernic a écrite au pape Paul III, qui est une sorte de préface au De Revolutionibus, le grand œuvre de Copernic. Lettre dans laquelle il justifie sa découverte et sa position, sa théorie, et il se positionne par rapport à ses adversaires. Donc préface de Nicolas Copernic au livre des Révolutions. Je puis fort bien imaginer, très Saint-Père, que dès que certaines gens sauront que, dans ces livres que j'ai écrits sur les révolutions des sphères du monde, j'attribue à la Terre certains mouvements, ils clameront qu'il faut tout de suite nous condamner, moi et cette mienne opinion. Or, mes livres ne me plaisent pas au point que je ne tienne pas compte du jugement des autres. Et bien que je sache que les pensées du philosophe ne sont pas soumises au jugement de la foule, parce que sa tâche est de rechercher la vérité en toute chose, dans la mesure où Dieu le permet à la raison humaine, j'estime néanmoins que l'on doit fuir les opinions entièrement contraires à la justice et à la vérité. Si par contre j'affirme que la Terre se meut, je me demandais longuement si je devais faire paraître mes commentaires écrits pour la démonstration de son mouvement, ou au contraire, s'il n'était pas mieux de suivre l'exemple des pythagoriciens, qui, ainsi que le témoigne l'épître de Lysis à Hipparque, avaient l'habitude de ne transmettre les mystères de la philosophie qu'à leurs amis et leurs proches, non par écrit, mais oralement. Et il me semble que les pythagoriciens le faisaient non point, ainsi que certains le pensent, à cause d'une certaine jalousie concernant les doctrines à communiquer, mais afin que des choses très belles, étudiées avec beaucoup de zèle par de très grands hommes, ne soient pas méprisées par ceux à qui il répugne de consacrer quelque travail sérieux aux lettres, sinon à celles qui rapportent, ou encore par ceux qui, à cause de la stupidité de leur esprit, se trouvent être parmi les philosophes comme des frelons parmi les abeilles. Comme donc j'examinais ceci en moi-même, il s'en fallut de peu que, de crainte du mépris pour la nouveauté et l'absurdité de mon opinion, je ne supprimasse tout à fait l'œuvre déjà achevée. Donc, je termine cette citation où on voit que Copernic est parfaitement conscient des difficultés qu'il aura à divulguer et même à exprimer sa thèse du mouvement de la Terre, et qu'il s'est posé la question de savoir s'il allait même publier cette œuvre. Et en fait, il y a été poussé par son élève, Reticus, qui est venu le voir et qui lui a dit qu'il fallait absolument publier, et ils se sont mis au travail. Et la lettre, ici, va expliquer pourquoi, finalement, il a publié. Voilà, c'était la Bibliothèque des Sciences, lettre de Copernic au pape Paul III. Vous pouvez retrouver toutes les bibliothèques des sciences ainsi que les numéros passés de la méthode scientifique sur le site franceculture.fr ainsi que sur notre fil Twitter où on vous met quotidiennement tous les liens vers les podcasts des émissions @laméthodefc. Merci beaucoup à nos deux invités, Evariste Sanchez-Palencia, Christine Blondel. On peut retrouver, si vous voulez aller creuser, fouiller un peu cette histoire de l'électromagnétisme sur votre site ampere.cnrs.fr. Là aussi, on vous met le lien sur notre fil Twitter. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lezen, Sarah Igemons, Noémie Naguet de Saint-Villefranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, c'est dans quelques instants le quatrième et dernier épisode de la série documentaire de la semaine. Mon métier, c'est avocat dans le secret du cabinet Seban à Paris, une série de Michel Pomared et Jean-Philippe Navarre. Aux alentours de 18h20, après le journal de 18h, ne ratez pas l'édition spéciale du Grain à Moudre, spéciale Nuit des Idées, une émission en direct et en public du Centre Pompidou à Paris. C'est jusqu'à 20h par Hervé Gardette et Julie Gacon. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, c'est un vendredi actu. Nous parlerons entre autres du manuscrit de Voynich qui est peut-être déchiffré, d'une solution pour remplacer l'expérimentation animale et des défis des mégadonnées ou des big data. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.